بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. فلوون جاء الله سبحانه وتعالى qui nous a facilité ces rencontres. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter de ses bienfaits. Et car les bienfaits durent avec le fait d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah et avec le fait d'accomplir l'obéissance qui en découle à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a aucun doute, frère en Allah subhanahu wa ta'ala, que la foi, l'iman, c'est la chose la plus importante dans la vie de l'être humain. Et cette foi, comme l'ont dit les pieux prédécesseurs, il augmente et il dit, et il baisse et il diminue. Il augmente avec l'obéissance à Allah et il diminue avec la désobéissance à Allah. Et il y a des moyens qu'ont cité les hommes de science pour augmenter la foi, comme il y a des moyens aussi qui diminuent la foi, qu'il faut éviter. Les moyens pour augmenter la foi, on va les chercher, on va les mettre en application, et on tient à les apprendre et à les mettre en application pour augmenter notre foi. Et les moyens qui vont faiblir notre foi, nous devons y faire très attention, nous en éloigner pour ne pas diminuer notre foi. Il fait partie du moyen que les hommes de science ont cité qui augmente la foi de l'individu, c'est le fait de connaître le bienfait de cette religion, le bienfait de l'islam. Car le fait de connaître la beauté et le bienfait de l'islam, tout montre en réalité le faux et le danger dans lequel ils sont, ceux qui ne sont pas dans l'islam. Et ceci doit être un motif pour nous pousser à nous cramponner encore plus à la religion et à mettre en plus en application ce que veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala, selon la voix de notre messager alayhi salam et de ses nobles compagnons radhiyallahu anhum. Partons de là, le sujet qui va être traité à partir d'une conférence de Cheikh Abdelrazzaq Hafidhahullah sera le comportement à adopter au moment de faire ses besoins. Et c'est un sujet qui est très important. فحديثنا يكون عن آداب قضاء الحاجة لأن هذا يبين لك محاسن الدين و مما ينبغي أن نعلمه هنا أن الحديث عن آداب قضاء الحاجة مع عظم فائدته وشدة الحاجة إليه، فإن الحديث عنه حديث عن كمال هذا الدين وجماله، وحديث عن تمام ديننا وأنه دين كامل تام لا نقص فيه بوجه من الوجوه. Donc le fait de parler du comportement à adopter et à avoir et à connaître lors du moment où on veut faire nos besoins, Le fait d'en parler et d'apprendre comment le comportement adéquat concernant cet acte, ceci, il est d'un grand bénéfice dans la vie du croyant. Et nous en avons un grand besoin en plus. Et en parler, c'est montrer comment cette religion, elle est parfaite. Et elle est complète à tous les niveaux. Cela nous montre comment cette religion, elle est complète. Qu'il n'y a aucune diminution, aucun défaut dans cette religion. Dînun yatanawalu hajat al-nas jami'iha. يتناول جميع مصالحهم ليس هناك باب من أبواب الخير ولا سبيل من سبل الفلاح والصلاح إلا ودعا إليه هذا الدين الحنيف. Donc c'est une religion, la religion musulmane, qui concerne tous les aspects de la vie de l'humanité, concerne tous leurs intérêts. Il n'y a pas une voie du bien ou une voie de la réussite, une voie de la réforme, de la bonne réforme, comme il se doit, qui n'est pas citée dans cette religion et qui n'est pas ordonnée par cette religion. وَلَيْسَ هُنَاكَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الشَّرِّ وَلَا سَبِيلٌ مِنْ سُبُلِ الْفَسَادِ إِلَّا نَهَا عَنْهُ هَذَا الدِّينُ حَدَّرَ مِنْهُ. Il n'y a pas une porte du mal, une porte qui va amener la personne à sa perte, sans que cette religion nous ait averti contre ce chemin ou contre cette porte, pour préserver, pour y faire attention et pour préserver notre religion. Dinun kamil wa jamalun azim. دين شامل يقول رب العزة سبحانه وتعالى فيما يخص هذا الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. C'est une religion qui est complète, qui est décrite ainsi par la traduction approximative du verset cité ici. Aujourd'hui je vous ai parachevé votre religion et je vous ai comblé de mon bienfait et je vous agrée l'islam comme religion. C'est une religion qui est parachevée min Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala avec cette religion a comblé ceux qui font partie de cette religion de son grand bienfait, et il leur a agréé tout simplement cette religion, uniquement cette religion qui est la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la seule religion qu'il leur a agréée et qu'il va accepter d'eux. فالدين كامل. La religion, elle est complète. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte le noble compagnon radiallahu anhu arda, il dit, il n'y a pas une catégorie d'oiseaux qui volent dans le ciel sans que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas cité. Il n'y a pas un oiseau qui vole dans le ciel sans que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne l'aura pas dit, cet oiseau c'est ça ou ça. Hein? Donc c'est une religion qui est complète. Nous n'avons pas à chercher à tous les niveaux des modèles, ni dans l'Occident, ni dans l'Orient. C'est l'Occident et l'Orient qui doivent nous prendre comme modèle, si on met en application réellement la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de mettre en application. C'est eux qui doivent être derrière nous, ce n'est pas nous, comme ça a été lors de l'histoire de cette communauté et lors de ce qu'ils appellent, ce qu'on peut appeler l'apogée d'or de cette communauté. Et tu as à voir que plus la communauté s'éloigne de la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a agréée, plus il est déshonoré, rabaissé, et le modèle est en face de toi. J'ai pas besoin de te faire un dessin maintenant. Tu vois la situation comment elle est. Et tout ceci, sa cause, ce n'est pas la force de l'ennemi. C'est le fait que nous sommes éloignés de la voie sur laquelle était le messager alayhi salam, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Muawiyah et les nobles compagnons de Allah alayhim. La réelle cause, elle est là. Il ne faut pas se tromper de maladie. Notre maladie, il est interne avant tout. Ad, les problèmes extérieurs qui vont se rajouter à ça. Mais la principale maladie, Et le pivot de notre maladie et de notre bassesse actuellement, notre déshonneur, c'est ça. C'est que beaucoup de la communauté ne sont pas sur la voie sur laquelle était Mohammed alayhi salam et ses nobles compagnons d'Allah alayhim. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ne sont pas là-dessus. Abadan. الرسول صلى الله عليه وسلم دي لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله. الرسول صلى الله عليه وسلم nous a annoncé que restera toujours une fraction de ma communauté. Il n'a pas dit toute la communauté, une fraction de ma communauté sur la vérité, faisant prévaloir la vérité, mettant en avant la vérité, triomphant, faisant triompher cette vérité, peu importe ceux qui sont en divergence avec eux, et peu importe ceux de l'intérieur qui veulent les faiblir, et les détourner de la vérité sur laquelle ils sont. Et ceci jusqu'à ce qu'arrive l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à la fin des temps. Fa min ni'matillah subhanahu wa ta'ala alayna bihada ad-din wa minnati alayna bil-islam ni'matun 'azima. فهي نعمة جسيمة هذه النعمة نعمة عظيمة لا تقدر بنعمة لا تعادلها نعمة ولا منا ولا توازيها إذ كل خير وفلاح وصلاح وسعادة في الدارين مترتبة على القيام بهذا الدين زيادة بزيادة ونقصا بنقص. Le bienfait de cette religion et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avec cette religion est énorme. Il est énorme. Il n'y a pas un bienfait qui équivaut au bienfait de la religion musulmane avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés. Tout bien, toute réussite, toute bonne réforme et tout bonheur dans ce bas monde et dans le delà, il découle sa base. C'est la religion. On accomplit comme il se doit la religion, le bonheur, la réussite, la bonne réforme va s'accomplir. On régresse, tout va régresser en même temps. وعندما نتأمل هذا الدين الحنيف نجد أنه كاملا مكمل في كل جوانبه عقائده التي يدعو إليها هي أصح العقائد وأقومها وأكملها عباداته التي يأمر بها هي أحسن العبادات وأزكاها أخلاقه وآدابه التي يدعو إليها هي أفضل الأخلاق وأزكاها وأكملها دين كامل عقيدة وعبادة وأدبا وسلوكا في كل جانب. كنت مديت cette noble religion, on voit que cette religion elle est complète. Il concerne tous les aspects de la vie. Et tous les aspects dans cette religion sont parachevés, sont complets. Que ce soit au niveau des croyances vers lesquelles nous appelle cette religion. Ce sont les plus authentiques et le summum de l'authenticité parmi les croyances. Et les plus complets. Que ce soit au niveau des actes d'adoration. C'est les meilleurs des adorations et les plus purs qui ont été instauré dans cette religion. Les comportements qui découlent de cette religion, vers laquelle nous oriente cette religion, sont les comportements les plus parfaits et les meilleurs des comportements et les plus purs. C'est une religion qui est complète au niveau des convictions, au niveau des adorations, au niveau des comportements, au niveau des relations que nous devons avoir avec les autres et ainsi de suite. وعندما يتأمل الإنسان الأمر الذي هو موضوع حديثنا في هذه الجلسة والتي تليها آداب قضاء الحاجة يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تناول هذا الموضوع بالبيان الشامل والإيضاح الكامل في كل جانب من جوانب هذا الموضوع بيّن عليه الصلاة والسلام بتفاصيل دقيقة وبيان عميق جزئيات كثيرة جدا تتعلق بهذا الأمر العظيم بل نستطيع أن نقول ليس هناك أدب يحتاج إليه الإنسان في قضائه لحاجته إلا ونبهه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأرشده إليه وذله عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ذل أمته عليه ولا شرا إلا حذرها منه. Quand on regarde, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'on médite, qu'on réfléchisse sur le sujet que nous allons traiter, qui est le comportement adéquat à avoir pour faire ses besoins, pour se soulager. Tu vois que le prophète, alayhi salatu salam, a détaillé ce sujet d'un énorme détail. Il en a donné des éclaircissements. Tout ce qu'a besoin le musulman au niveau de ce comportement, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a orienté vers. Il n'y a pas un comportement ou un geste à accomplir concernant le fait de faire son besoin sans que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne l'a cité. Il nous a orienté vers ce geste et comment il doit être accompli. Car, alayhi salatu salam, il n'a laissé aucun bien sans avoir orienté la communauté vers ce bien. Il n'a laissé aucun mal sans avoir averti la communauté contre ce mal. وعندما تتأمل تفاصيل عديدة متعلقة بآداب قضاء الحاجة مما بسطه العلماء وذكروا أدلته في كتب الحديث وكتب الأحكام، تجد في ذلك ما يرشدك إلى كمال هذا الدين وجمال هذا الدين. Et quand tu médites, quand tu médites les détails, le nombre de détails concernant cet acte qui est comment faire ses besoins et le comportement adéquat à avoir, tu vois comment les hommes de science ont détaillé ceci et comment ils ont cité les preuves, que ce soit dans les livres de la jurisprudence ou que ce soit dans les livres du hadith qui concernent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Tu vois que cette religion, quand tu le médites bien, tu vois que cette religion, tout bien qui existe, il a orienté vers ce bien. Il avertit contre eux tout mal. Et cela te montre la beauté de cette religion et comment cette religion, elle est parfaite et elle est complète. Et ça doit te montrer aussi qu'il est des situations d'insensés dans laquelle certains tombent pour aller acquérir un bien pour la communauté, comme par exemple les manifestations pour prendre le pouvoir. C'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a détaillé comment faire son besoin. Est-ce que tu crois qu'il nous a il a négligé le fait de nous montrer comment le pouvoir s'acquiert? Abadan akhal islam. Il va nous orienter vers le comportement adéquat à avoir pour faire son besoin et pour la chose la plus importante dans la vie d'une communauté. Il l'a oublié, abadan akhal islam. Et comme il n'a pas fait de manifestation, ni de sitting, ni d'élection, etc., cela prouve quoi? Que c'est un mal et que ça ne fait pas partie de la religion parachevée ordonnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est très important. ولهذا ايضا من الفوائد المهمه التي نفيدها في بابنا هذا ان تعليم الناس آداب قضاء الحاجة فيه دعوة لهذا الدين ودعوة للتمسك به وتعريف بجماله وحسنه وبهائه وإشعار للمسلم بعظيم نعمة الله سبحانه وتعالى عليه عندما دله من خلال هذا الدين إلى الآداب التي ينبغي أن يراعيها عند قضائه لحاجته. Et parmi les points importants à retenir concernant ce sujet, c'est que quand on enseigne aux gens le comportement adéquat à avoir quand on fait ses besoins, c'est que c'est une da'wah vers cette religion. Ceci est une da'wah vers cette religion, une da'wah pour orienter les gens à se cramponner comme il se doit à cette religion, et c'est aussi faire connaître aux gens la beauté de cette religion et la noblesse de cette religion, et faire sentir et faire prendre conscience aux musulmans le grand bienfait de cette religion, partant du point que cette religion l'a orienté vers ce noble comportement à avoir pendant qu'il fait son besoin. Oui, wallahi, إنها نعمة عندما ترى هذا الأدب الذي هديت إليه من خلال هذا الدين عند قضائك لحاجتك، وتقارن ذلك بحال الناس الذين لا دين لهم ولا يعرفون الإسلام ولا يعملون به، تجد أن تلك الأمم أمم همل أشبه بالأنعام في غاية القذارة وتمام النجاسة وقمة الوسخ والبعد عن التنزه والنظافة. وهذه سمة غالبة وعامة في الكفار، حتى إن الكثير من هؤلاء لا يطاق الجلوس إلى جنبه لنتن رائحته، بل إن بعض الدول عملت إلى صناعة أنواع من الطيب نافذة وقوية الرائحة ليتلافوا فيها نتن رائحتهم. Et par Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est un des grands bienfaits min Allah azza wa jal. Quand tu vois la noblesse du comportement vers lequel t'oriente cette religion, vers lequel te guide cette religion, au moment de faire ton besoin. Et tu as comparé ceci avec des gens et avec des peuples qui n'ont pas de religion et qui ne connaissent pas l'islam et qui ne mettent pas en application l'islam. Tu vois que ces communautés sont dissimilaires à des bestiaux au niveau de la saleté et de l'impureté. Ils sont au summum de la saleté parce que ils ne se nettoient pas comme il se doit. Et ça, c'est une caractéristique qui est chez la majorité des koufars. Certains, tu ne peux pas t'asseoir à côté d'eux, tellement ils puent. Certains pays ont créé et ont inventé des parfums très forts, tout simplement pour camoufler ces mauvaises odeurs. Pour camoufler ces mauvaises odeurs. أما المسلم فبتلك الآداب السامية والقيم العظيمة والخلال الكريمة التي هدي إليها من خلال هذا الدين يعيش في كمال النظافة وقمة النزاهة وتمام الطهر. فهذه نعمة وهي مفخرة للمسلم ومفخرة للإسلام. Quant aux musulmans, avec ces comportements que lui enseigne l'islam et ces nobles principes que lui enseigne l'islam et vers lesquels l'islam l'a guidé, il vit dans une pureté, dans une propreté et dans une purification totale. Et ça, c'est l'un des grands bienfaits. Et c'est une fierté, c'est un honneur pour le musulman. Et c'est un honneur pour l'islam aussi. جاء نفر كما في صحيح مسلم جاء نفر من المشركين إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه وقالوا له على وجه التهكم والسخرية والاستهزاء قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. والمقصود بقولهم حتى القراءة أي الهيئة التي يجلسها الإنسان عند قضاء حاجته. فماذا قال سلمان؟ وهذه مفخرة للمسلم ومفخرة للمسلمين. فانظر لقول سلمان: أجل نعم علمنا كل شيء حتى القراءة. هذه مفخرة للمسلم ومنقبة. أخذ رضي الله عنه وارضاه يعدد بعض الآداب وقليلا من القيم التي دل إليها المسلم عند قضائه لحاجته. قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. هذه بعض الآداب، ليست كل الآداب، فهو يعددها على وجه الافتخار. وذكر مناقب هذا الدين الإسلامي. Et tu as médité ceci dans ce hadith rapporté et dans cette scène rapportée par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. Un certain nombre d'associateurs sont venus voir Salman al-Farisi radiyallahu anhu wa arda. Et ils se sont adressés à lui d'une façon moqueuse, pour se moquer. Et lui ont dit: votre prophète vous a appris toutes choses, même comment faire votre besoin. Hein? C'est-à-dire comment être, quelle position avoir pour faire votre besoin. Salman, maintenant tu as à ouvrir bien tes oreilles pour comprendre que ceci, c'était une fierté et un honneur pour les musulmans. Et ça doit être ainsi. C'est une fierté et un honneur pour nous. Hein? Il a dit, radiyallahu anhu wa arda, en étant fier de l'enseignement du prophète, alayhi sallam, et en étant fier de ce grand bienfait min Allah, azza wa jal, de cette religion, il a dit: certes, hein, il nous a appris comment le comportement dans lequel on doit être au moment de faire notre besoin. Et il a commencé à leur citer les comportements, certains comportements qu'il faut adopter au moment de faire son besoin. Et il leur a dit: le messager alayhi salam nous a interdit de faire face à la Qibla ou de lui donner le dos au moment d'iruner, au moment de faire notre grand besoin. Et il nous a interdit de se nettoyer avec la main droite, de nettoyer les parties intimes avec la main droite, ou alors de s'essuyer avec moins de 3 pierres. Et il nous a interdit de s'essuyer avec l'excrément d'animaux ou avec l'os des animaux. Pourquoi? Parce que l'os des animaux, c'est la nourriture d'El Jinn. Et l'excrément des animaux, c'est la nourriture des bêtes des jeunes. Hein? Regarde comment cette religion oriente la personne à respecter même le monde invisible. Ce monde qu'il ne voit pas, qui est le monde des jeunes, qui sont aussi leur but dans ce bas monde, c'est de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala comme les humains. هذه بعض الآداب، ليست كل الآداب، فهو يعددها على وجه الافتخار. وذكر مناقب هذا الدين. Ça, ce qu'il a cité Salman رضي الله عنه وارضاه, ce sont certains comportements. Et ce n'est pas tous les comportements concernant cet acte qui est l'acte de faire ses besoins. Et ça, c'est une fierté. C'était une fierté pour ce noble compagnon, et c'est une fierté pour cette communauté qui prouve les vertus et les grandes vertus de cette religion. فَكَيْفَ إِذَا تَعَمَّقَ الْمُسْلِمُ وَدَخَلَ بِمَعْرِفَةِ التَّفَاصِيلِ الْعَدِيدَةِ الَّتِي دَلَّ إِلَيْهَا الْإِسْلَامِ وَأَرْشَدَ إِلَيْهَا هَذَا الدِّينِ. Comment maintenant ça va être la situation quand les musulmans, ils rentrent à apprendre les détails des comportements et les détails du bon principe qu'a enseigné cette religion? Hein? Comment ça va être sa connaissance? Comment ça va être sa fierté après? Hein? Et c'est pour ça que les hommes de science disent le fait de connaître les bienfaits de l'islam, c'est un des moyens pour augmenter sa foi. فكيف إذا تعمق المسلم ودخل بمعرفة التفاصيل العديدة التي دل إليها الإسلام وأرشد إليها هذا الدين أرشد إليها المسلم عند قضاء حاجته. ولهذا هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. نتذاكر في هذا الموضوع لكي نستحضر ونستشعر عظمة هذا الدين وعظم نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بهذا الدين، حيث دلنا هذا الدين على كل خلق عظيم وكل خلق قويم وكل معاملة حسنة أرشدنا فيها إلى صحيح العقائد وأحسن العبادات وأتم الآداب والأخلاق والمعاملات. كنت للمسلمين ها acquiert la connaissance en détail des comportements vers lesquels l'oriente l'islam, lui a enseigné l'islam, comment ça va être sa fierté, comment il va aimer, ça va faire naître en lui le fait d'aimer cette religion. Et quand il se penche sur cet aspect qui est le fait, le comportement adéquat à avoir pour faire son besoin, ça, que ceci est une assise de rappel, et le rappel fait de quoi? Fait du bien aux croyants. Et en parlant de ce sujet, ceci doit nous faire prendre conscience de la beauté et du summum de cette religion et de la grande grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir fait de nous des soumis et des musulmans. Car cette religion nous a orientés vers tout noble comportement et tous nobles principes à tous les niveaux, et vers les bonnes relations à avoir. Et cette religion nous a orientés vers l'authentique des croyances et les meilleures des adorations et le summum des comportements. ومن الفوائد العظيمة التي نستفيدها من موضوعنا هذا آداب قضاء الحاجة أن ديننا ليس فيه نقص لا في العقيدة ولا في العبادة ولا في الآداب، كامل مكمل لا نقص فيه. Et parmi les points à retenir, et les nobles points, et les grands points à retenir, en étudiant ce sujet, le sujet du comportement, du faire ses besoins, cela ne fait connaître que cette religion, elle est complète. Il n'y a aucune diminution dans cette religion. Il est complète en ce qui concerne les croyances, les comportements, les adorations. À tous les niveaux, il est complète. Et il est parachevé avant la mort de Mohammed alayhi salatu wassalam. لأنه إذا كان صلوات الله وسلامه عليه دل الأمة بتفصيل دقيق للآداب التي ينبغي أن يتحلوا بها عند قضاء الحاجة، فإنه من باب أولى وأحرى أن يكون قد بيّن لهم بالدقة الكاملة والبيان الشافي ما يتعلق بالعبادات وما يتعلق بالعقائد. Car c'est le message عليه الصلاة والسلام a orienté sa communauté avec en détaillant avec des grands détails ce qui a rapport, le comportement à avoir pendant le fait de faire son besoin. Alors en priorité, il leur a donné tous les détails, il les a éclairés d'un grand éclaircissement en ce qui concerne les comportements, en ce qui concerne les croyances, en ce qui concerne les adorations à tous les niveaux. Il a transmis comme il se doit, alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que nous n'avons pas le droit à transgresser la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Nous n'avons pas le droit à innover, à ramener des choses de notre tête dans la religion d'Allah. Abadan. S'il a dit sallo, priez comme vous m'avez prié, ça y est, khlas. On apprend comment il a prié. Nous n'avons pas à ramener autre chose. Il a dit, faites le dos comme je l'ai fait. Khlas, on doit apprendre son dos et on ne doit pas le dépasser. Prenez de moi vos rites du pèlerinage. Khlas, on doit les apprendre et mettre en application, ne pas les dépasser, ni innover autre chose. Et ceci à tous les niveaux. Et donc, concerne tous les aspects de la vie aussi. Ah. وهنا تأتي كلمة الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى حيث يقول محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته آداب قضاء الحاجة ولم يبين لهم التوحيد هذا محال et de là partons de là t'apparaît clairement hein La définition et la parole de l'imam Malik rahimahullah quand il a dit « C'est impossible que le prophète d'Allah alayhi salatu wassalam ait éclairé la communauté sur le fait comment faire ses besoins qu'il ait oublié de les éclairer sur le monothéisme. » Et cette phrase, tu as à l'appliquer sur tous les aspects de la vie. Tu as à dire aussi hein, « C'est impossible que le prophète alayhi salatu wassalam qui a donné ces détails minutieux concernant et profonds concernant le comportement de faire ses besoins, qu'il ait oublié le domaine de la politique, ou de l'économie, ou de l'enseignement, n'importe quel domaine. Hein? Le modèle, il est dans le messager alayhi sallam. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. La traduction approximative du sens du verset, vous avez le meilleur des modèles. Oh, le messager d'Allah pour ceux qui croient en Allah et en l'au-delà. فهذا محال. آداب قضاء الحاجة وهي أمور تتعلق بالفروع والأحكام وتتعلق بالآداب. بينها صلوات الله وسلامه عليه على وجه التفصيل فهل من الممكن أن يكون كذلك في بيانه لآداب قضاء الحاجة ويترك ما يتعلق بالاعتقاد وأصول الدين وتوحيد الله تبارك وتعالى يترك هذا الأمر دون بيان أبدا والله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فمما لا شك فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضح أمور التوحيد وأمور العقيدة وأمور العبادات أحسن توضيح Et il est impossible que le messager alayhi salatu wassalam ait donné ces détails concernant le comportement de faire ses besoins qui a rapport avec un des actes qui découle de la religion, qui fait partie des branches de la religion et qui a rapport avec le comportement. Et il a fait ce détail concernant ce comportement. Est-ce que c'est possible qu'il ait fait ce détail concernant ce comportement que, alayhi salatu wassalam, il aurait omis de détailler les croyances, le monothéisme pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a créé les génies, les humains et tous les autres aspects de la vie? Est-ce que et c'est possible qu'il donne un détail comme il l'a donné concernant le comportement du besoin qu'il ait oublié autre chose et oublié la chose la plus importante dans la vie qui est le monothéisme, l'accomplissement de la religion pour Allah subhanahu wa ta'ala abadan akhal islam. Le messager alayhi salatu wassalam a éclairé cette communauté sur tout acte qui va la rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné des détails. Tout acte qui va la faire éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a averti en détail contre eux, hein, les choses qui vont l'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا نستفيد فيه منه فائدة عملية في حياتنا وهي أهمية ارتباط المسلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة في العبادات في الآداب دين كامل فالمسلم ليس عليه إلا أن يرتبط بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لينال بارتباطه أصح العقائد وأحسن العبادات وأزكى الآداب والأخلاق Et ceci, dans notre vie de tous les jours, nous devons retenir une leçon qui doit avoir un impact sur notre vie. Et c'est point à retenir ici l'importance de la liaison du musulman avec le livre d'Allah et l'authentique de la Sunna. Au niveau des croyances, au niveau des adorations, au niveau des comportements, car cette religion, elle est complète. Et il est du devoir du musulman de avoir une liaison très forte et solide avec le livre d'Allah et la sunna du prophète. Pourquoi? Pour avoir les meilleures des croyances. Ils viennent de là. La parole d'Allah, l'authentique de la sunna, selon la voie et la compréhension du plus prédécesseur. La meilleure façon d'accomplir ses adorations, ça vient de la parole d'Allah, de l'authentique de la sunna, selon la voie et la compréhension du pieux prédécesseur d'Allah. Le meilleur des comportements, il vient d'où? Du livre d'Allah et de la sunna du messager, selon la voie et la compréhension de nos pieux prédécesseurs d'Allah. Donc ceci est quelque chose de très important pour nous. Et tu vois, pour le comportement de faire ses besoins, comment aller aux toilettes, tu es obligé de revenir vers la sunna du prophète, pour que tu t'en acquêtes comme il se doit. Et à tous les niveaux, à l'islam. Au niveau de l'éducation des enfants, au niveau des rapports que tu dois avoir avec ta femme, au niveau des rapports que tu dois avoir avec le juif dans un pays de l'islam, avec le juif dans un pays qui n'est pas musulman, avec le non-musulman dans un pays de l'islam, avec le non-musulman dans son pays, et ainsi de suite. Tu dois être conforme. Ask Allah subhanahu wa ta'ala, قال الله قال رسوله قال الصحابة الكرام. C'est le moule dont tu dois entrer. D'un côté tu as la parole d'Allah et d'un côté tu as la parole du messager alayhi sallam, et tu suis tout ça selon la voie et la compréhension du pieux prédécesseur radhiyallahu anhu, parce qu'ils n'ont pas dépassé ça radhiyallahu anhu. C'est pour ça qu'ils avaient les honneurs et la suprématie. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il est obligatoire de suivre la voie de ceux qu'il a comblé de ses bienfaits, qui sont à leur tête d'abord, après le prophète alayhi sallam, les nobles compagnons radhiyallahu anhu. Wa huna aydan yuqal kayfa يليق بمسلم أرشد في دينه إلى هذه الآداب العظيمة والقيم الرائعة أن ييمم وجهه هنا وهناك يبحث عن قيم وآداب خارج الإسلام وخارج دائرة هذا الدين، وهذا من النقوص على العقبين. إلى أسي comment il sied aux musulmans qui est orienté dans sa religion au plus noble, wa alaykoum salam, au plus noble des comportements et au summum des principes, comment il va chercher à droite et à gauche comment être dans sa vie, comment il va chercher le comportement en dehors de cette religion, comment il va le chercher en dehors de cette religion? Et ça, c'est revenir en arrière et donner de le dos au meilleur pour aller chercher le vil. Le meilleur, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a instauré, ce qu'a transmis son messager, alayhi salatu wa salam. Le vil, c'est quoi? Ce qu'ont inventé, que ce soit les occidentaux ou les autres, peu importe. يقول سبحانه وتعالى قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. وهذه الآية فيها الدلالة على أهمية الارتباط بالكتاب والسنة. أفلم يدبروا القول، القول هنا قول الله سبحانه وتعالى، كلام الله القرآن هذا الكتاب العظيم. أم لم يعرفوا رسولهم، هذه السنة ومعرفة هدي خير الأمة صلوات الله وسلامه عليه. إذن pour nous rappeler l'importance de fait de se cramponner au livre et à la sunna, le verset ici, il est là, il te dit, dans sa traduction approximative, mes versets, et vous étiez réciter, vous leur donnez le dos, par orgueil, et vous vous en moquez lors de vos veillées dans vos clubs. Ne médite-t-il pas la parole? Et c'est la parole, c'est quoi? C'est le Coran. Ne médite-t-il pas le Coran? Ou alors, ils ont eu ce que leurs parents n'ont pas eu. Ou alors, ils ne connaissent pas leur messager. Hein? Et dans ce verset, il y a, il t'oriente vers l'importance de te lier au livre et à la sunna. Afin la miyad d'abbarul qawl, ne comprennent-ils pas la parole? Ne méditent-ils pas la parole? La parole ici, le livre d'Allah, la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le Coran. Ne reconnaissent-ils pas leur messager? Alam ya'rifu rasulahum? La sunna, et le fait de connaître la voix du messager, alayhi wa sallam. Donc, on retient ici, hein, qu'il ne sied pas aux musulmans, hein, d'aller chercher des comportements ailleurs en dehors du livre et de la sunna. D'aller chercher des orientations en dehors du livre et de la sunna. Que toute sa vie doit être soumise à la parole d'Allah et à l'authentique de la sunna du prophète alayhi sallam. فهذه تمهيدات مهمة ومقدمات مهمة بين يدي هذا الموضوع. أما الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة والتي أرشد إليها صلوات الله وسلامه عليه كثيرة جدا. Et ça, c'est une introduction qui est très importante avant d'entamer ce sujet qui a rapport avec le comportement, hein, des besoins, ou comment faire ces besoins, vers lesquels nous a orienté le messager alayhi salatu salam. يقول الشيخ وأذكر لكم جملة كبيرة ومنها طائفة عظيمة من هذه الآداب وسراعي في ذلك الترتيب من حيث دخول الإنسان وصفة قضائه للحاجة وانتهائه منها وسائر الأعمال المتعلقة بذلك مما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ عبد الرزاق دودير رحمه حفظه الله تعالى. Je vais vous citer un certain grand nombre de comportements qui ont rapport avec ce sujet. Et je vais les citer en ordre. Hein? Depuis que la personne rentre. Hein? Pour se soulager et pour faire son besoin jusqu'à la fin. Et tous les actes qu'il doit accomplir, qui sont dans la sunna du messager alayhi salatu wasalam, concernant, hein, le besoin. فأولا يقول رحمه الله وغفر له من السنة عندما يدخل الإنسان للمكان الذي يقضي فيه حاجته أن يقدم قدمه اليسرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا في بعض النصوص يحب التيامن في الأمور الطيبة في تنعله وترجله ودخوله المسجد وطعامه وشرابه ونحو ذلك، وأما في الأمور التي خلاف ذلك فإنه يقدم فيها اليسار. فإذا دخل الإنسان لقضاء الحاجة يقدم قدمه اليسرى، إذا دخل المسجد يقدم قدمه اليمنى، لأنه داخل إلى مكان طاعة ومحل عبادة، بينما إذا خرج من المسجد يقدم قدمه اليسرى، لأنه خرج من الفاضل إلى المفضول. فهذا من السنة التي ينبغي أن يراعيها، إذا خرج من مكان قضاء الحاجة يقدم قدمه اليمنى. Premièrement, il cite, disons que fait partie de la sunna, c'est quand la personne veut rentrer dans l'endroit où il va faire son besoin, il va rentrer en mettant en avant son pied gauche. Car Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il va le citer dans d'autres hadiths qui vont arriver, préférez pour les bonnes choses mettre en avant la droite. Pour se coiffer, commence par la droite. Pour mettre chaussures, par la droite. Pour donner, il donne par la droite. Pour prendre, il prend par la droite. Pour manger, avec la droite. Pour boire, la même chose. Et ainsi de suite. Quant aux choses qui sont tout à fait, qui ne sont pas les bonnes choses, qui sont le contraire des choses bonnes, ben, il mettait en avant la gauche. Quand il rentre pour faire son besoin, il met en avant son pied gauche. Quand il rentre à la mosquée, il met son pied droit. Hein? Parce qu'il va rentrer dans un endroit d'adoration et dans un endroit d'obéissance. Quand il sort de la mosquée, il met en avant son pied gauche, car il est sorti du mieux vers le moins mieux. Le mieux, c'est quoi? C'est la mosquée. Le moins mieux, c'est l'extérieur de la mosquée. Et ça, ça fait partie de la sunna que le musulman doit, hein, prendre en considération quand il rentre ou il sort de l'endroit où il va accomplir son besoin. Quand il sortira, il mettra en avant son pied droit. Quand il y rentre, il mettra en avant son pied gauche. الأمر الثاني من الآداب عند الدخول أن يدخل بسم الله وبسم الله هذه يشرع الإتيان بها في مواضع كثيرة عند قراءة القرآن وفي بداية الخطب أو الدروس وفي الكتابة وفي نحو ذلك يشرع للمسلم أن يبدأ ببسم الله ويراعي في البسملة حال الأمر الذي هو فيه يعني يقدر حال الأمر الذي هو فيه هي استعانة لكن إن كان بسملة عند الكتابة فيقدر بسم الله أكتب وإذا كان بسملة في أول الركوب بسم الله أركب مثلا أو في الخروج بسم الله أخرج يقدر فعلا يتناسب مع حاله. Et donc le deuxième comportement, c'est au moment de rentrer, la personne doit dire بسم الله. Et بسم الله, on la ramène dans beaucoup d'actes et dans beaucoup d'endroits. Pour manger, pour boire, au moment de la lecture du Coran, au début des exhortations, au début des enseignements, au début de la lecture, de l'écriture. Hein? Beaucoup d'actes. Il est léger ferré de commencer par le nom d'Allah Azza wa Jal. Il faut prendre en considération l'acte que tu es en train de faire. Parce que bismillah, c'est chercher l'aide auprès d'Allah. Et il faut supposer un verbe qui convient à la situation. Tu commences l'écriture bismillah, c'est-à-dire le verbe ici à prendre en considération, à supposer. Bismillah et actu. Au nom d'Allah, j'écris. Hein? Pour la bouffe, la même chose. Au moment où tu vas monter, le verbe que tu vas supposer, c'est quoi? C'est le verbe bismillah et je monte. Hein? Quand tu sors, bismillah, je sors, et ainsi de suite. Donc, il y a un verbe à supposer, et le verbe selon les situations, selon l'acte que tu vas accomplir. فَهُنَا يَدْخُلْ لِمَكَانْ قَضَاءَ الْحَاجَ وَيَقُولْ بِسْمِ اللَّهِ يعني مُسْتَعِينًا بِاللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسَائِلًا إِيَّاهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْحِفْظَ وَالْوِقَايَةِ بِسْمِ اللَّهِ. وقد جاء في حديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سنن ابن ماجة قال عليه الصلاة والسلام ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى بمجموع طرقه كما في كتابه القيم إرواء الغليل. إيه en rentrant à l'endroit où il va faire son besoin. Il commence bismillah. Il cherche aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver. Hein? Il se préserve, hein, avec bismillah, avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est rapporté dans un hadith authentifié par Cheikh Nasser rahimahullah ta'ala, hadith du Ali ibn Abi Talib rapporté par Ibn Majah rahimahullah, il dit: le voile entre le jinn et l'intimité de la descendance d'Adam, quand il rentre dans les toilettes, c'est qu'ils disent bismillah. Ça, c'est le voile. Ça y est. Tu as mis un voile, ils ne peuvent plus te voir. Khlas. Tu leur as fermé la porte. Ça veut dire que si la personne ne le dit pas, le voile n'existe pas. Ça, c'est des choses de l'invisible auxquelles nous devons croire. Parce que fait partie de notre foi quoi? Le fait de croire en l'invisible. Hein? Et l'invisible, toute chose que tu ne vois pas. Hein? Et donc, Le troisième comportement, l'adab talit, أن يتعود عند دخوله للخلاء من الخبث والخبائث الخبث والخبائث لما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة. وقيل في معنى ذلك إني أعوذ بك من الخبث وهم ذكران الجن والخبائث إناثهم. وقيل أوسع من ذلك أعوذ من الخبث كل أمر خبيث والخبائث كل الأمور الخبيثة فيستعيذ بالله تبارك وتعالى من ذلك كله. Et fait partie du comportement aussi, c'est que il doit chercher, hein, quand il est dans cet endroit-là, il doit chercher refuge. Au moment où il rentre, il doit chercher aussi refuge et protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala des khubouth et des khaba'it. Les khubouth, ce sont les femelles des djinns, les khaba'it, ce sont leurs mâles, selon certaines interprétations. Il a été rapporté dans les authentiques, selon Anas, radiyallahu anhu arda, que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il rentre dans l'endroit pour faire ses besoins, il dit, oh Allah, je cherche ta protection contre le khubut, contre les femelles des jeunes et contre leur mâle, ou là contre le mâle en général. Khubut, c'est le pluriel de khabit qui pour, hein, veut dire les femelles des jeunes. Khaba'ith, c'est aussi le pluriel et c'est le pluriel des mâles, des jeunes. Il a été lié autre chose, c'est il cherche protection contre toute impureté en général, hein, contre eux, toutes les impuretés en général. Ça englobe ceci et cela aussi. Et donc, ils cherchent refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de tout ça. Parce qu'un ennemi que tu ne vois pas, comment tu vas faire avec? Comment tu peux t'en protéger? L'ennemi que tu vois, hein, tu peux le repousser. Hada, tu ne le vois pas. Lui, il s'attribue le jinn, Shaitan, avec toute sa tribu, tu les vois pas. Comment tu veux faire? Si Allah subhanahu wa ta'ala, il ne protège pas du jinn, comment on fait? Il est obligatoire qu'on cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous en préserver. وممكن أن نجمع بين الحديثين السابقين البسملة والاستعادة عند الدخول يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وبعض الناس قد يزيد على ذلك ألفاظا أخرى وهذا ليس من اللائق بالمسلم لأن السنة جاءت تامة مكملة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأعظمه فالواجب الاقتصار على ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وثبت في سنته الصحيحة صلوات الله وسلامه عليه. فعند الدخول يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Et tu as réuni entre les deux hadiths, hein, le basmala et l'istiada, le fait de commencer par le nom d'Allah et le fait de chercher protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubut wa al-khaba'it. Certaines personnes rajoutent des choses, d'autres expressions, mais ils n'ont pas le droit. Il ne sied pas aux musulmans de rajouter quelque chose sur les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Parce que la voix que nous a léguée le prophète alayhi salatu wassalam, il est complète, il est parachevé. Nous n'avons pas le droit de rajouter quoi que ce soit. Hein? La meilleure des guidances et la meilleure des voix étant la voix de Mohammed alayhi salatu wassalam. Qui sommes-nous pour ajouter quoi que ce soit dedans? Donc il est obligatoire pour nous de nous limiter à ce qu'a dit le messager alayhi salatu wassalam, de ne pas le dépasser. Hein? Et donc s'il nous a été confirmé du prophète alayhi salatu wassalam, Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuti wal-khaba'it. Khlas, on n'a rien à rajouter. ومن الآداب الاستتار أن يستتر لأنه يحتاج عند قضائه لحاجته إلى كشف العورة ليتمكن من قضاء الحاجة. يحتاج إلى كشف العورة المغلظة ولهذا لا بد أن يستتر وأن يتوارى عن أعين الناس. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في هذا الباب، منها حديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ذهب المذهب أبعد، يعني إذا ذهب لقضاء الحاجة أبعد، وهذا عندما يكون الإنسان يقضي حاجته في الصحراء أو الأماكن المكشوفة ونحو ذلك، فيبعد حتى يتوارى عن أعين الناس، إما أن يذهب وراء تل أو وراء شجرة أو كثيب من الرمل أو نحو ذلك ويبتعد عنهم. فكان إذا ذهب المذهب أبعد. وفي حديث جابر عن عبد الله وفي حديث جابر بن عبد الله كان إذا أراد البراز، يعني أراد قضاء الحاجة، انطلق حتى لا يراه أحد. وهذا نظير الحديث السابق، وكلاهما في سنن أبي داود بسند ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. Et fait partie aussi du comportement à adéquat à avoir, c'est le fait de se cacher des gens quand tu vas faire ton besoin. Parce qu'au moment où tu vas faire ton besoin, hein, ta grande aura, hein, va se dévoiler. Hein, le vêtement va descendre. Hein, et donc, tu as besoin de découvrir ta grande aura. Donc il est obligatoire que tu sois dans un endroit où les gens ne te voient pas. Que tu es loin des gens, des yeux des gens. Il y a beaucoup de hadiths du messager alayhi salam, comme le hadith de Mughir ibn Shu'ba, où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il veut les faire son besoin, il s'éloigne. Il va très loin pour que les gens ne puissent pas le voir. Hein? Et ceci, c'est surtout quand tu vas faire ton besoin dehors. Dans une, hein, dans un espace vide, il faut que tu t'éloignes pour que les gens ne te voient pas. Hein? Soit tu vas derrière un monticule de sable, derrière un arbre. Tu cherches un endroit où les gens ne puissent pas te voir. Hein? Il faut s'éloigner d'eux. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il est rapporté dans l'autre hadith du Jabir ibn Abdillah, quand il veut les faire sans besoin, il allait très loin, il se dirigeait vers un endroit où les gens ne le voient pas. Ah, et les deux hadiths cités ici, celui de Mughira et celui de Jabir, ils sont dans le Sunan Abi Daoud, avec des chaînes de transmission qui sont fermes, qui sont authentiques, les chaînes de transmission de ces deux hadiths. Et donc, quand on va dehors, obligé, que tu t'éloignes, pour que les gens ne regardent pas, ne voient pas ta aura. La même chose, par exemple, tu vois dans les aéroports, dans les stations de service ou l'aller, ce que vous appelez les aires de repos. C'est pas bon d'aller dans les rues noires, là. Parce que celui qui est à côté de toi, il risque de voir ta aura. Et toi, tu vas regarder sa aura. Comme ils font le kuffar entre eux. Ils sont devant les rues noires, ils sont en train de parler. Donc, il jette un coup d'œil sur sa partie intime, l'autre, il jette un coup d'œil. Alors, il est interdit à rien. De se croire que ce genre de rue noire, il est solide. Ce qui fait que des fois, les ruines, il tape dedans, il revient. Tu risques d'éclabousser tes vêtements. D'avoir de l'impureté sur tes vêtements. Donc, les ruines noires, tu t'en éloignes parce qu'il y a deux choses qui ne sont pas bonnes. Le fait que c'est que l'autre, si toi tu te préserves, ben lui il ne va pas se préserver. Lui il est kafir, il n'a pas de limite. Peu lui importe pour lui de jeter le regard sur la partie intime de l'autre. Donc si tu es loin, tu rentres dans les toilettes, tu t'enfermes et tu fais ton besoin, après tu sors. Parce que tu te préserves et hein, tu te préserves d'eux et que ta aura ne soit pas vue par qui que ce soit. Hein? Et quand tu es dehors, prends la précaution de t'éloigner, te mettre derrière un arbre, un monticule de pierre, un monticule de sable, peu importe. Moi-même, tu essaies de préserver ta aura, que personne ne la voit et que tu te préserves. Hein? J'ai un hadith d'Ibn Omar. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، وهذا من الآداب التي أرشد إليها هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لا يرفع ثوبه عندما ينزل لقضاء الحاجة حتى يدنو من الأرض. لماذا؟ لأنه لو رفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض تنكشف عورته حتى للبعيد عنه. ولهذا من تمام الستر وكمال الأدب للمسلم عند جلوسه لقضاء الحاجة لا يرفع ثوبه إلا إذا دنا من الأرض، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il nous est rapporté aussi du hadith de Abdullah ibn Omar radiallahu anhu arda, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il veut faire son besoin, il relève son vêtement qu'une fois qu'il est proche de la terre. Et ça, ça fait partie des comportements vers lesquels Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a guidés. De ne pas relever le vêtement que une fois qu'il s'approche vers, qu'il est proche de la terre. Pourquoi? Tout simplement parce que s'il lève avant de s'asseoir, et avant d'être proche de la terre, ben celui qui est loin risque de voir sa partie intime. Il peut voir de loin ses parties intimes. Hein? C'est pour ça que fait partie du fait de bien se protéger des regards et de la noblesse du comportement à faire son besoin, c'est que le tissu, quand tu, hein, ton vêtement, quand tu fais dehors, quand tu n'es pas enfermé, que tu ne le baisses pas. On n'enlève pas que jusqu'à ce que tu es proche de la terre, pour que ceux qui sont loin ne voient pas tes parties intimes. Il t'est demandé de la protéger, de la couvrir. Hein? L'amr al-rabi' min adabi qada'i al-haja 'adam al-bawl fi tariq an-nas al-maslouk aw al-dhil alladhi yantafi'una bih. Wa qad ja'a fi sahih Muslim 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala ittaqu al-la'anayn. Qalu وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. قال أهل العلم وصف بذلك أنه فعل، لأنه فعل ما يتعرض به للعن بعض الناس عندما يأتي إلى مكان ظليل يجلس فيه الناس فيقضي فيه حاجته، فإذا جاءوا إلى ذلك المكان في شدة قائلة ليستظلوا به ووجدوا هذا الوسخ يتأذون منه، وربما أن بعضهم قد يقول لعن الله فاعل ذلك، مع أن المسلم ليس باللعان كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه عرض نفسه لذلك عندما يضع حاجته في ظل الناس أو في الطريق الذي يسلكه الناس يمشون معه. وهذا فيه إرشاد إلى أن المسلم ينبغي أن يراعي حقوق إخوانه وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. لو تأمل هو في نفسه الذي يحبه لنفسه عندما يأتي لهذا المكان ألا يرى فيه أذى، فكيف يضع الأذى لإخوانه؟ وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير. Et le quatrième noble comportement à avoir au moment de faire son besoin, c'est qu'il ne faut jamais uriner sur le chemin des gens. Le chemin emprunté par les gens, on n'y fait pas si besoin et on n'urine pas. Aussi, les ombrelles des gens. Les ombrelles, ce sont des endroits où les gens vont être à l'ombre du soleil. Et ceci existe. Dans le sud, dans les pays sud, dans les pays chauds, dans le sud, que ce soit en Afrique du Nord ou ailleurs, ils existent. Dans les villages, tu as des endroits, soit ils mettent un petit toit avec les branches de palmiers, etc. Soit c'est construit, et cet endroit-là, il y a des petits murets en terre sur lesquels les gens vont venir s'asseoir pour s'abriter. Ou sur le chemin, sur la route, des fois, tu as ces ombrelles. Comme par exemple les abris qu'il y a dans les autobus. Bon, ce genre d'abri où les gens vont s'abriter, on n'a pas le droit de venir y ruiner, ni y faire notre besoin. Et celui qui le fait, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, faites attention aux deux maudisseurs. Ils ont dit, c'est quoi les maudisseurs, ya Rasulallah? Il a dit, celui qui fait son besoin sur le chemin des gens, ou dans les endroits, ou dans leurs abris, où ils vont se protéger contre le soleil ou contre la pluie. Hein? Il a été décrit, ainsi disent les hommes de science, parce que celui-là, il s'est exposé à la malédiction des gens, à ce que les gens le maudissent, Alors que le musulman en général ne doit pas être quelqu'un qui maudit. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit que le musulman, c'est pas quelqu'un qui maudit. Mais là, cette personne a fait un acte qui lui a prévalu la malédiction des autres. Il a lui faire ce dua pour qu'il soit maudit. Hein? Quand il est venu à la place, à leurs abris, il a fait son besoin. Il a ruiné, il a fait son grand besoin. Hein? Et le musulman fait partie des devoirs des autres, des droits des autres, c'est que tu aimes pour eux ce que tu aimes pour toi-même. Tu n'aimerais pas, imagine la situation, toi tu viens t'abriter dans cet endroit, tu aimerais venir et sentir l'odeur de l'urine ou de l'excrément, abadan. Donc ce que tu n'aimes pas pour toi, tu ne l'aimes pas pour les autres. Hein? Ce désagrément que tu ne veux pas pour toi, ben, tu n'as pas à le faire pour les autres. Et dans l'autre hadith authentique, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein? La yu'minu ahadukum. Certains parmi vous disent, hein? N'aura pas la foi quelqu'un parmi vous jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, c'est-à-dire le bien, de lui aimer le bien. Toi tu veux le bien pour toi, et il est obligatoire que tu aimes le bien pour ton frère. Et nous allons arrêter là inshallah. Wa subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa salli allahumma wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum, jazakumullahu khairan.